Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette première émission, Dominique vous partagera les dernières actualités sur le don de sang. Nous recevrons un invité surprise qui vous parlera d'un événement qui va se dérouler mi-septembre. Et nous vous communiquerons l'agenda du don de ce mois de septembre. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Qui es-tu ? Eh ben, je suis président d'une amicale de donneurs de sang dans le Lunévillois. D'accord. Et moi, je suis président de l'association des donneurs de sang de Nancy. Et aujourd'hui, on est là tous les deux pour animer une nouvelle émission mensuelle sur le don de sang. Le temps du don, le temps de l'actu. Alors Christophe, toi qui es un passionné de sport, je voulais te poser une devinette. Oui. Est-ce que tu sais quel grand joueur de football donne régulièrement son sang ? Non, un joueur de la SNL peut-être ? Non. Il joue actuellement en Arabie Saoudite et il est originaire du Portugal. Bah oui, facile, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, c'est lui. Et je ne sais pas si tu le sais, mais comme il veut pouvoir donner son sang, il n'est pas tatoué, un des rares footballeurs. D'accord. Eh bien, si tu as son numéro de téléphone ou son compte Instagram, qui est très suivi, on va pouvoir lui dire qu'à partir du 1er septembre 2025 en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a réduit le délai entre un tatouage ou un piercing avant de pouvoir donner son sang. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à présent, il fallait attendre 4 mois après un tatouage. Et donc, beaucoup de personnes étaient retoquées par l'EFS. Bah oui. Eh bien, depuis le 1er septembre, ce délai est réduit. Il passe maintenant à 2 mois. Ouais. Comme aujourd'hui, près de 20% des Français sont tatoués, et surtout les jeunes, cela fait un sérieux potentiel de donneurs qui n'ont plus d'excuses pour donner leur sang. Et forcément. Cette réduction du délai d'attente s'applique aussi à certaines autres interventions médicales, comme l'acupuncture, les mésothérapies ou certaines endoscopies, mais je pense que l'on pourra en reparler quand nous recevrons un médecin de l'EFS. Bien sûr. Ben merci Dominique pour ces infos. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour toutes ces personnes qui visiblement n'ont pas peur des aiguilles. Oui, et j'ai une autre bonne nouvelle pour tous et même pour ceux qui ne sont pas tatoués. Vas-y. On en reparlera plus tard lors d'une prochaine émission, donc je fais un peu de teasing. Mais actuellement, le Parlement travaille sur une loi pour permettre de donner son sang pendant son temps de travail. Ok. Une actu un peu moins sympa, c'est que l'EFS a passé cet été avec un déficit de 10 000 poches de sang en moins. Wow. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas eu de poches de sang. Mais il y a eu des opérations qui devaient être réalisées durant cet été, des opérations programmées qui ont été repoussées à la rentrée. L'été, tu sais, c'est toujours un moment un peu critique pour l'EFS, car les donneurs, comme beaucoup, ils sont partis en vacances, et paradoxalement, alors qu'ils sont au bord de la plage, ils sont moins disponibles pour donner. Mmh. Mais écoute, merci Dominique. Tu pourrais peut-être juste nous rappeler ce qu'est l'EFS ? C'est vrai qu'entre nous, on le connaît bien, mais je pensais que tout le monde le savait. C'est l'établissement français du sang. C'est un établissement public qui collecte les produits sanguins pour les distribuer aux hôpitaux. Et nous, les bénévoles, toi comme moi, ainsi que la Fédération des donneurs de sang, nous sommes là pour sensibiliser, comme aujourd'hui, les citoyens au don du sang. Ok, merci Dominique. Le temps du don sur Fadjet. Alors maintenant, je vais vous dire comment savoir où donner son sang en Meurthe-et-Moselle. Pour ça, je vais commencer par vous donner quelques chiffres, dont certains qui devraient vous interpeller. En 2024, ici, en Meurthe-et-Moselle, 18 367 résidents ont donné au moins une fois leur sang, ou leurs plaquettes, ou leur plasma. Alors certes, on peut se dire « Waouh, c'est beaucoup !» Mais en fait, non. Pour relativiser ce chiffre, il faut savoir qu'il y avait 490 000 personnes en âge de donner. Du coup, cela donne un taux de générosité de seulement 3,75%. Donc là, en bon héros du quotidien que vous êtes, vous vous dites « Faut que j'aille donner mon sang, faut aller où ?» La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de possibilités. Je vais commencer par vous parler de la Maison du Don de Nancy. Elle est située au 85-87 boulevard Lebeau. Il est possible de venir y donner son sang, mais aussi son plasma ou ses plaquettes. C'est d'ailleurs le seul endroit de Meurthe-et-Moselle où ces deux derniers types de dons peuvent être effectués. Il est également possible de donner lors des collectes mobiles. Là, c'est le personnel de l'EFS qui se déplace à la rencontre des donneurs dans différents lieux. Toujours en 2024, 14 collectes ont été organisées dans des entreprises, 63 l'ont été dans des établissements scolaires, dans des facultés, des lycées, même dans des collèges, comme à Ludre par exemple. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'âge minimum pour donner son sang est de 18 ans, et 348 collectes ont été organisées dans les communes. Alors classiquement, elles se déroulent dans des salles des fêtes, des MJC, des centres socioculturels mis à disposition par les municipalités. Et parfois, ces collectes sont l'occasion de découvrir des endroits méconnus. C'est le cas, par exemple, lors de collectes événementielles. Elles sont organisées, par exemple, au Musée des Beaux-Arts, au Conseil départemental, à l'Opéra, voire dans un endroit dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour vous aider à planifier votre bonne action, il existe une application où vous pouvez retrouver tous les lieux de collecte proches de chez vous. C'est l'application Don de sang. Voilà, maintenant, vous n'avez plus l'excuse de ne pas savoir où donner votre sang. Le temps du don, le temps de l'invité. Pour notre premier invité dans le temps du don, nous avons placé la barre transversale très haute, à 2,44 m pour être précis. Cet invité exceptionnel porte au quotidien la couleur rouge, comme le sang, et blanche, comme les globules. Pendant une dizaine d'années, entre 2001 et 2011, il a porté le maillot de la SNL. Il en a gardé les buts pendant plus de 200 matchs, même s'il a également joué à l'OM. On peut dire qu'il a le SNL dans le sang, puisque depuis 2019, il est l'entraîneur des gardiens pros du club. Bonjour Gennaro Brasigliano. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première émission et en quelque sorte de parrainer cette émission Le Temps du Don. Gennaro, je vous propose de faire un petit retour déjà au mois de mai dernier, au cours duquel il s'est passé deux événements importants à la SNL. Alors, tout d'abord, le club a fait son grand retour en Ligue 2 après une saison exceptionnelle guidée par son coach emblématique Pablo Correa. Donc encore bravo Gennaro pour cette accession. Qu'est-ce qu'il en reste de ce souvenir ? Merci. Bah écoutez, ce qu'on disait à l'époque, c'était que nous, on a connu un petit peu la même joie que lors de nos meilleures années, en fait. La joie, c'est la joie. Donc nous, on a savouré surtout après quelques années difficiles, ouais. Et je pèse mes mots. Mais là, ça fait depuis le retour de Michael Chrétien, de Nicolas Hulvec, paix à son âme, de Pablo maintenant. Il y a vraiment une dynamique qui s'est inversée. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Bon, sportivement, vous souhaite tout le meilleur hein, pour cette nouvelle saison. Ça semble bien parti en plus. C'est gentil. C'est gentil. Donc ça, c'était le premier événement important du mois de mai, mais il y en a eu un deuxième. Et là, ça nous concerne aussi, puisque le 19 mai, Nathalie Tonnerre, donc la directrice administrative et financière de la SNL, a signé une convention avec l'EFS, l'établissement français du sang, et la DSB Nancy, donc l'association pour le don de sang bénévole de Nancy. Alors Gennaro Brasigliano, pourquoi est-ce important pour la SNL d'avoir signé cette convention ? Bah c'est important parce que ce qu'on a toujours compris nous à la SNL, c'est que on était un club de foot, mais on était aussi on était citoyens. Mm-hmm. Citoyens, on était des ambassadeurs de notre ville. Donc pour nous, ça coulait de source de montrer l'exemple. Ok. Voilà, et donc nous associer à l'EFS, donc le don du sang, qui connaît des besoins constants, ça coulait de source en fait. Pour nous, c'était un plaisir si on pouvait se permettre d'apporter un peu de rayonnement sur une association qui le mérite, c'était un grand plaisir. Bon. Donc on n'oublie pas notre rôle citoyen. Super. À titre perso, vous donnez votre sang, Gennaro ? Oui, depuis quelques années. Voilà, je connais l'importance du don, donc voilà. Super. Merci pour cet éclairage sur cette convention. Hein. Juste avant de continuer et de parler de la suite, comme on est en présence d'un sportif, j'ai envie de vous poser une question. Donc, à Gennaro et à Dominique, hein. Savez-vous pendant combien de temps vous ne devez pas faire de sport après un don de sang ? Je crois que c'est 24 heures, c'est ça ? Eh ben, je crois qu'il a raison. Vous croyez fort bien tous les deux, bravo, ouais, je vous félicite. Et donc, je crois que c'est ça, c'est 24 heures de reconstitution des stocks, c'est ça. Ouais, et puis il faut bien penser à boire après un don du sang, y compris pour les sportifs. Mmh, c'est ça. Vous êtes parfaits tous les deux, effectivement. Donc c'est bien 24 heures, et puis pensez à vous hydrater, à boire de l'eau, hein, pendant le don et après le don, c'est important. Gennaro Brasigliano, vous nous avez parlé de la convention liant la SNL, l'EFS, la DSB Nancy. Y a-t-il une action qui va matérialiser concrètement ce partenariat ? En fait, déjà ce partenariat, c'est un partenariat historique. C'est la première fois que la SNL s'engage avec l'EFS. Mm-hmm. Et on va matérialiser cet engagement en proposant pour tous nos salariés, nos partenaires, pour les supporters et même pour tous les gens désireux de participer à une bonne action, on va participer à une grande collecte. Ouais. Elle aura lieu le 17 septembre, donc au stade Marcel Picot, c'est de 15h à 19h. En fait, la SNL offre ses salons pour la manifestation. Voilà. Et cerise sur le gâteau, pour tous les donneurs, il y aura en parallèle organisé une séance dédicace, donc de 15h à 19h, avec les joueurs qui se relayeront tout au long de l'après-midi. Ouais, on sait que les supporters, ils aiment ça. Mais c'est génial, c'est une belle occasion de venir, de revenir pour les supporters à Marcel Picot. Voilà, donc... ce sera la première rencontre physique à Picot entre les joueurs et les supporters. Alors là, si les supporters ne se mobilisent pas pour venir donner leur sang le 17 septembre entre 15h et 19h, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Là. Ok, donc on a bien dit, c'est au niveau du salon panoramique. Hein, donc en plus, on a une belle vue sur le stade, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, salon panoramique. Maintenant, il y aura soit des possibilités de venir directement sur place, soit prendre rendez-vous. Sur internet, vous trouvez les liens sur les réseaux. Là, prochainement, déjà sur Facebook, je crois qu'il y a un groupe déjà sur Facebook. Tout à fait. Voilà, avec les liens, possibilité de choisir son créneau. Exactement. Donc oui, on invite tout le monde à prendre rendez-vous via le lien sur l'application Don de sang. Et alors, il y a aucun souci pour se garer. Hein, il y a des parkings, donc c'est impeccable. Et puis, bah comme l'a rappelé Gennaro Brasiliano, il y aura plus la possibilité de rencontrer des joueurs, de faire des photos avec. Et il y aura aussi la mascotte Globuline, donc qui sera là. Donc les supporters, on compte vraiment sur vous pour se rendre à cette collecte du mercredi 17 septembre. Entre 15h et 19h. Gennaro, y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ? Pour nous, en fait, ce partenariat, ce n'est pas un hasard, parce que avec l'UFS, avec le don du sang, on partage des valeurs communes, en fait. Il y a plusieurs valeurs, des valeurs de solidarité, oui. Des valeurs d'engagement. Mmh. Les joueurs sur le terrain, ils s'engagent de la même façon que le donneur, quand il va donner son sang, il fait quelque chose, il prend sur son temps. Pareil, c'est une partage des valeurs d'universalité. Mmh. Le foot, comme le don du sang, ça concerne tout le monde, en fait. Le football, c'est le sport le plus populaire du monde. Il y a pas de frontières. Et avec le don du sang, c'est pareil, ça concerne tout le monde, tous les âges, toutes les nationalités. Donc voilà. Et aussi, il y a une autre valeur aussi qu'on partage, c'est la générosité. Donc le ballon, il se partage. On joue pour l'équipe, et c'est pareil avec le don du sang. Le donneur, il va donner de son temps, de sa... Il donne de sa personne pour la cause commune. Eh ben, c'est une super conclusion, ça, Gennaro Brasiliano. Merci pour votre mobilisation et votre engagement sans faille pour le don de sang. Donc, voilà. Un grand plaisir. On l'a dit, maintenant, vous êtes en quelque sorte le parrain de cette nouvelle émission sur Fadjet, cette mensuelle. avec un grand plaisir, et je souhaite une longue vie à votre émission. Merci, Gennaro. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, quel est l'agenda pour ces prochaines semaines ? Eh bien, le 15 septembre à Chaligny, le 16 à Tantonville, le 17 à Tomblaine, évidemment, le 18 à Briey, le 19 à Dieulouard, le 23 à Varangéville, le 25 à Réon, le 26 à Trieux, le 29 à l'Arsenal à Toul, également le 29 à Aton. Voilà, donc ça, c'est toutes les villes où on pourra donner son sang lors de ce mois de septembre. Vous pouvez retrouver tout ça sur l'application Don de sang. Merci Dominique. Merci Christophe. Le temps du don, c'est déjà fini. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain avec un nouvel invité. Salut Christophe. Salut Dominique.